Kanyangi. Bonsoir à tous et à tous. Merci de nous rester fidèles, madame, monsieur. Bienvenue à l'écoute de cette édition de ce 31 janvier. En voici les grands titres. Adoption ce mercredi par l'Assemblée nationale d'un projet de loi relatif à la coopération entre le Burundi et la Russie sur l'énergie nucléaire. Des députés s'inquiètent quant à l'exploitation de l'uranium au Burundi. Les habitants de la localité de Kinyinya Kajaga viennent de passer près de deux semaines sans courant électrique et tirent une sonnette d'alarme. Le directeur général de la régie des eaux promet de remplacer le transformateur en panne. Et le gouvernement italien a dévoilé lundi à Rome un plan de 6 milliards de dollars américains pour soutenir le développement de l'Afrique lors du sommet Italie-Afrique, selon un communiqué de ce mercredi du groupe de la Banque mondiale. Et dans la chronique parle, rassure-moi, la population de la commune Outaganzo en province Ruyigi appelle les leaders à servir de bons exemples et tourner la langue deux fois avant leur discours pour éviter des violences de masse. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par François Akiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page environnement pour débuter cette édition. Le Burundi enregistre une perte de 100 milliards de francs burundais annuellement sur les infrastructures touchées par le changement climatique dans la seule plaine de Limbo. Déclaration du ministre chargé des infrastructures ce mercredi lors de la présentation des réalisations comptant pour le premier semestre de cet exercice budgétaire 2023-2024. Des données de Kundane indiquent en outre que le gouvernement compte se pencher sur l'interdiction de nouvelles constructions dans les zones à haut risque pour minimiser le coût des interventions dans ce domaine. On l'écoute. Avoir un objectif est une chose, mais il y a des défis auxquels on fait régulièrement face et on doit y travailler. Ce sont des défis liés aux problèmes de l'économie en général. Globalement, l'économie mondiale est dans une turbulence à cause des guerres dont on entend ici et là, et notre économie n'en est pas épargnée. Le deuxième défi, c'est que nous faisons face particulièrement à un problème sérieux de changement climatique. Quand vous êtes dans le secteur des infrastructures, dans le secteur des constructions, nous sommes les plus frappés parce qu'à chaque tombée de pluie, chaque année, nous enregistrons des pertes. Et les experts dernièrement ont chiffré à au moins 30 millions de dollars le coût des pertes que nous subissons dans la plaine de Rimbo, particulièrement dans la mairie de Bujumbura. Si nous perdons 100 milliards de francs bouts chaque année, donc sur 10 ans, nous perdons 1 000 milliards de francs bouts, ça veut dire que si on fait deux pas en avant, on doit encore faire un pas en arrière. Alors, la plupart de nos interventions présentement sont focalisées justement à venir en aide aux situations catastrophiques qui sont causées par ces changements climatiques. Le message que nous avons lancé hier, c'est que nous allons travailler avec nos collègues du ministère de l'Intérieur et de l'Environnement pour nous assurer qu'il n'y a plus de nouvelles constructions dans des zones à haut risque. Parce que si on laisse faire, on devra payer le jour suivant. Dieudonné Dukundane, ministre burundais chargé des infrastructures, au micro de Jean de Dieu Irakoze. Je veux l'annoncer en titre. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité ce mercredi le projet de loi portant ratification par le gouvernement du Burundi de l'accord entre le gouvernement burundais et le gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire. Malgré cette adoption, les députés ont émis des inquiétudes sur l'exploitation de l'uranium qui sera utilisé après pour avoir cette énergie. Le ministre en charge de l'énergie et mine tranquilliser ses élus du peuple sur que l'exploitation de l'uranium va se conformer à la loi. Le point avec Évariste Nzikobanya. Les députés burundais sont d'accord avec l'énergie nucléaire qui viendrait combler le manque criant de l'énergie électrique dans le pays. Cela étant, les députés burundais ont des inquiétudes sur le tonnage de l'uranium qui sera utilisé pour bénéficier de cette énergie nucléaire. Kikeke Pascal est parmi ceux-là. Aux députés Gikeke de demander pourquoi se précipiter alors que le tonnage de cet uranium qui sera utilisé pour produire de l'électricité nucléaire n'est jusqu'ici connu. Le ministre de l'énergie et des mines, Ibrahim Ouidzeye, qui était l'invité à l'Assemblée nationale, explique pourquoi le gouvernement burundais n'a pas mis en avant ses études. Le ministre Ibrahim Ouidzeye explique que les études n'ont pas été faites car il n'y avait pas encore la loi portant exploitation de l'uranium, car ça pouvait aussi susciter des incidents diplomatiques. Il explique que le gouvernement devrait trouver des experts en la matière qui viendraient mener ses études sur le tonnage, a-t-il ajouté. Les députés ont encore des inquiétudes sur cette énergie nucléaire produite à base de l'uranium qui pourrait causer des dégâts comme ça s'est produit dans d'autres pays. Le député Félix Mozeriniga est parmi ces députés inquiétés. Au député Félix Mozeriniga de rappeler que certains pays avaient cessé d'utiliser cette énergie car elle était source des accidents. Il demande si réellement le Burundi a des moyens suffisants pour protéger la population contre ces accidents. Le ministre Ouizeye tranquillise. Il explique que la technologie a avancé pour éviter de tels incidents. Le ministre Ouidzeye est d'accord que ça a produit des accidents dans l'OTAN, tout en indiquant que les Russes et les Américains sont venus le voir pour ce partenariat. Il précise que la technologie a avancé, quitte à ce qu'aujourd'hui, cette énergie ne puisse causer des accidents. L'uranium qui sera utilisé pour la production de l'énergie nucléaire au Burundi sera exploité dans les provinces de Bujumbura, Gitega et Butanyerera. Le projet de loi portant accord entre le Burundi et la Russie ayant été adopté en unanimité ce mercredi par l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Nous poursuivons avec cette édition. Les habitants du quartier Kajaga en zone Rukaramu, surtout la localité de Kinyinya Kajaga, n'ont pas de courant électrique. Cela fait près de 2 semaines. Ils tirent une sonnette d'alarme. Habitants et autres utilisateurs de ce courant qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro ce mercredi disent enregistrer des pertes et demandent à la régie des eaux de trouver solution à ce problème qui ne fait que durer. Et Jean-Albert Manigomba, directeur général de la régie des eaux, a dit que cette question va vite être vidée. Le point avec Jean-Marie Vianney Ngendakouman. Ces habitants du quartier Kajaga indiquent que cette coupure d'électricité se remarque dans cette localité depuis 2 semaines. Ceux qui utilisent l'électricité dans leur métier indiquent qu'ils mènent une vie difficile suite à cette situation. Il y a 2 semaines sans électricité dans cette localité. Lorsqu'il n'y a pas d'électricité, nous perdons beaucoup. Premièrement, les machines ne fonctionnent plus. Lorsqu'il n'y a pas d'électricité, on manque de quoi à manger. Nous ne pouvons pas nourrir nos familles. Nous sommes aussi incapables de payer nos loyers. Les coiffeurs, ceux qui travaillent dans les studios, vivent grâce à l'électricité. Et les agents des cafétérias, leurs produits sont polis, ainsi que les frigos. Sans oublier les boucheries et les moulins. Actuellement, la vie est vraiment difficile. Ce manque d'électricité affecte aussi les élèves qui ne parviennent pas à réviser les cours convenablement. Selon le témoignage dans le rencontré sur les lieux. Ce dernier déplore également qu'ils soient parfois chassés de l'école du fait qu'ils ont manqué de salon de coiffure pour se faire coiffer. Ces habitants de Kajaga demandent à la régie des eaux de faire tout possible pour trouver solution à ce problème. Nous demandons à la régie des eaux de faire tout possible pour résoudre ce problème de coupure de l'électricité dans cette localité, pour que nous puissions bien réviser les cours et se faire coiffer. Le directeur général de la régie des eaux fait savoir que cette coupure est provoquée par le transformateur qui alimente cette localité en électricité qui est en panne. Toutefois, Albert Manigomba tranquillise ses habitants d'Okajaga tout en précisant que d'ici peu, ils vont le remplacer. Jean-Marie Vianney, Ngenda Koumana, les ministres des Finances et celui de l'Intérieur ont sorti une ordonnance conjointe relative à la perception des impôts et taxes dans les marchés urbains. Une ordonnance à laquelle s'est référé le maire de la ville de Bujumbura pour annuler la décision de remise et reprise des stands dans ces marchés dont la date limite était ce 31 janvier. Dans cette édition, Doreb Ingabire revient sur le contenu de cette ordonnance conjointe du 25 janvier de cette année. Dans l'article 2 de cette ordonnance ministérielle conjointe du 25 janvier 2024, il ressort que l'occupant d'un stand, shop ou tout autre espace du marché faisant partie du patrimoine de l'État et la personne y effectuant des opérations de vente et pas nécessairement celui au nom duquel le stand est enregistré avant le 1er juillet 2023, la date qui marque le début de l'année budgétaire 2023-2024. Les loyers mensuels des stands, shop ou autre espace du marché faisant partie du patrimoine de l'État sont constitués du double de ceux qui étaient payés avant cette date et les recettes issues de cette location sont réparties ainsi 50% au trésor public et 50% aux communes, comme cela ressort de l'article 3. L'article 4 stipule que la sous-location de ces stands est interdite. Cet article souligne également que seul l'Office burundais des recettes OBR est compétent pour signer le contrat de bail avec les locataires. Quant à l'article 5, il précise que tout occupant d'un stand devient automatiquement le locataire à partir du 1er juillet 2023 et il a l'obligation de signer un contrat de bail directement avec l'OBR. Et l'article 6 de cette ordonnance ministérielle du 25 janvier 2024 indique que tous les locataires qui payaient des loyers à des personnes privées ont l'obligation de signer un contrat avec l'Office burundais des recettes. Page politique à 18h12 dans le studio de la radio Isanganiro. À la veille des prochaines échéances électorales, les responsables administratifs sont appelés à bien terminer leur mandat dans l'espoir d'être nommés à d'autres fonctions. Un appel du président du Sénat au terme d'une formation dont ont bénéficié tous les gouverneurs et administrateurs communaux ce mercredi à Gitega sous le thème « Leader privilégiant les intérêts publics, fondement de la réussite de la vision d'un Burundi émergent en 2040 et développé en 2060. Une formation organisée par le Sénat, les détails avec Gérard Niwigira. Après cette formation, le président du Sénat, Emmanuel Sinzo Hagira, a indiqué qu'à l'approche des élections, pas mal de responsables administratifs se demandent ce que sera leur sort après les élections, s'ils seront reconduits ou pas. Il a alors fait savoir que la réponse à cette question est le fait de bien terminer son mandat. Cela dans la mesure où, si l'on a bien terminé son mandat, on peut être promis ou nommé à d'autres fonctions, même meilleures que les précédentes. Il a ensuite souhaité qu'aucun administrateur ait gouverneur ne soit limogé avant la fin de son mandat. Ainsi, les participants ont élaboré une déclaration contenant 32 points qu'ils vont respecter pour bien terminer leur mandat. Certains de ces 32 points sont, entre autres, assurer la bonne gestion des finances publiques, éviter la corruption, être proche à la population, bien élaborer les projets de développement public, être humble et prendre des décisions qu'il faut, préparer un bon héritage pour sa famille, la communauté et le pays, être utile pour les autres et préparer une bonne fin de mandat. L'administrateur de la commune Kiganda, province Muramvya, qui a suivi cette formation, c'est l'administrateur de la commune Kiganda, province Muramvya, qui a suivi cette formation, s'est dit satisfait et a signifié qu'elle lui est et lui sera de grande utilité. De son côté, le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Martin Niteretse, a proposé que de telles formations soient organisées au début de la législature pour éviter les erreurs des uns et des autres au cours de leur législature. C'est au moment où, ce mercredi, le Sénat avait organisé à Gitega une formation en faveur des gouverneurs et administrateurs communaux de tout le pays sur le thème, je cite, « Leader privilégiant les intérêts publics, fondement de l'aboutissement d'un Burundi émergent en 2040 et développé en 2060 », fin de citation. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isangani. Merci à Gérard Nibigira, mais vous voudrez bien nous excuser de cette erreur de montage de Gitega, rendons-nous en province Rumonge, c'est au sud du pays. ou tout administratif à la base dans les différentes collines de cette province qui se rendra coupable de la non-transmission d'une convocation exigeant au préalable dépôt de vin sera limogé ou poursuivi en justice. Léonard Niyonsaba, gouverneur de cette province, dit qu'il s'agit d'une mesure prise après avoir constaté que cette question est revenue à maintes reprises lors de ses récentes descentes dans les différentes zones de cette province. Cette annonce est sortie au terme d'une réunion de ce mardi à Rumonge que le gouverneur de cette province avait organisée à l'intention des responsables des différents services publics opérant dans cette province. Pour une lecture commune des doléances soulevées par la population lors de ces descentes, le point avec Jean-Pierre Misago. Pendant 3 semaines de descente dans les différentes zones de la province Rumonge, certains administratifs à la base ont été accusés d'exiger entre 2000 et 5000 francs burundais de pot de vin pour transmettre une convocation aux concernés, selon le gouverneur de Rumonge. D'autres encore demandent des convocations qu'ils vont ensuite confisquer pour qu'au bout du compte, la personne convoquée soit arrêtée et retenue pour rébellion. Sur ce, Léonard Niyonsaba, gouverneur de Rumonge, au terme d'une réunion d'évaluation de ses descentes ce mardi à Rumonge, annonce le limogeage et des poursuites judiciaires contre tout administratif à la base qui aura refusé de transmettre la convocation faute de pot de vin. Ici, le gouverneur de Rumonge conseille aux personnes remettant les convocations aux administratifs à la base pour leur transmission d'avoir des témoins. Pour les plaignants, confisquant les convocations pour qu'au bout du compte, la personne convoquée soit emprisonnée, le gouverneur de Rumonge dit que c'est plutôt ce plaignant qui passera par le cachot s'il s'avère qu'elle a confisqué les convocations et l'accusé comparaîtra libre. Ici aussi, le gouverneur de Rumonge trouve important que celui ou celle qui livre une convocation mentionne si c'est la première, la deuxième ou la troisième convocation. Aux personnes qui craignent de répondre à la convocation de peur d'être retenues, le gouverneur de Rumonge leur conseille plutôt de comparaître et d'alerter lorsqu'elles estiment qu'elles sont injustement incarcérées. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. De Rumonge, rendons-nous en province Kayanza, au nord du Burundi, pour parler de cette jeune fille originaire de la colline Nyabibuye, en commune Rango de la province Kayanza. Akimane Elise, bienvenue, qui fait la soudure au centre de la commune Rango et fait savoir que cette activité génératrice de revenus lui permet de subvenir à ses besoins fondamentaux et de pratiquer également du petit bétail. Bakaniwona Sylvain, conseiller socioculturel du gouverneur Kayanza, appelle les femmes et filles à briser les barrières culturelles selon lesquelles une femme ne peut pas exercer certains métiers. Une information que nous devons à notre correspondant Patrick Saint-Guillaume. Parle, rassure-moi. Toute société a besoin d'hommes intégrés, surtout des leaders qui doivent se rassurer que les discours tenus ne divisent pas les membres des communautés. Les habitants du village d'Opé de Nyakiga, en commune Butaganzwa de la province Ruyigi, affirment que si les responsables ne font pas attention à des paroles tenues, cela peut conduire à des violences de masse. Pour une bonne cohésion sociale, cette population de Butaganzwa estime que ces derniers doivent servir de bons exemples. Francine Deokugayo. Ils sont du village de paix de Nyakiga, en commune Butaganzwa de la province Ruyigi. Pour eux, les mots prononcés ont toujours des retombées, soit négatives, soit positives. Dans le Burundi ancien, les ancêtres aimaient transmettre leurs messages ou enseignements par des proverbes. Les gens pouvaient en tirer les sons. Nos ancêtres ont voulu nous conseiller d'être sincères dans nos propos et surtout de tenir les paroles constructives, car au cas contraire, ça peut détruire et le pays et la cohabitation. Quand vous tenez un mauvais discours, ça produit des conséquences. À travers ce proverbe, ils ont voulu éduquer la société afin de ne plus utiliser des mots qui détruisent. Si les autorités ne prennent pas garde aux propos tenus envers les administrés, leurs discours peuvent conduire à des atrocités ou violences dans les communautés. En bref, ils vont se regarder en chien de faïence parce que le leader est un exemple de tous. S'il commence à dire des mots qui n'apaisent pas, ces gens vont commencer à se diviser dans des groupuscules et ça devient difficile de voir les choses de la même façon. Et cela, à la fin, sera la cause d'un conflit ouvert. Et nous savons que pendant la guerre, vous avez deux options. Soit vous mourrez ou vous fuyez. Même son de cloche du côté de Isaïe Nibitanga, secrétaire exécutif permanent en commune Butaganzwa. Les responsables administratifs devraient éviter de tenir des propos divisionnistes. Le bon travail d'un administratif, c'est de dire au peu de choses que tu connais bien, qui n'a pas d'inconvénients ou de conséquences néfastes dans la communauté. Les administratifs, nous sommes des serviteurs de la population. Sans distinction de son ethnie, de son église, il faut dire ce que tu vois que tu ne veux pas blesser. Aucune partie se trouve dans la commune. L'actrice d'Opé, Joséphine Naomvokiye, appelle les leaders et autorités publiques à tourner la langue deux fois avant de sortir un mot. Nos leaders doivent faire attention à leurs paroles. S'ils ont une idée à partager, ils doivent réfléchir plus d'une fois avant de la partager, car leurs idées sont considérées par la population comme paroles d'évangile et se propagent du sommet à la base. Elle indique également qu'une bonne cohésion sociale demande la contribution de tout un chacun. Les membres d'une communauté ont un grand rôle à jouer. Francine Ndihokubgay, je vous l'annonçais en titre, le gouvernement italien a dévoilé lundi à Rome un plan de près de 6 milliards de dollars américains pour soutenir le développement de l'Afrique lors d'un sommet Italie-Afrique qui a duré une journée. Le président du groupe de la Banque africaine de développement, Kinyumi Adesina, s'est joint à 25 dirigeants africains et responsables de l'Union européenne lors du sommet. Et la première ministre italienne, Giorgia Meloni, a annoncé diverses initiatives destinées à renforcer les liens économiques et à créer un pôle énergétique pour l'Europe tout en freinant les migrations africaines vers l'Europe. Ces initiatives comprennent un engagement initial de 5,5 milliards d'euros. Garanties comprises selon un communiqué de ce mercredi du groupe de la Banque africaine de développement BAD. Voilà, à 18h22 dans le studio de la radio Isanganiro, c'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci madame de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes.